tout l'été, étanchez votre soif de connaissance aux étincelles du Palais de la Découverte. Partez sur les traces des dinosaures, découvrez comment on programme des robots, voyagez jusqu'à Mars. Autant d'expériences fascinantes à faire en plein cœur de Paris. Réservez vite sur palais-découverte.fr. C'est le premier petit déjeuner des vacances de Lana et Iliès chez leur mamie. Eh bien, je ne vous ai jamais vu aussi rayonnant de si bon matin. On a trop hâte de voir Arthur. Et le musée de Papistoire. Quelle belle manière de poursuivre l'exposition que vous lui aviez dédiée l'an dernier. Grâce à ce musée, ses contes et légendes vont continuer à faire rêver des générations de petits et de grands. Et avec Arthur, il a le meilleur ambassadeur. À sa mort, le vieux conteur lui avait légué tous ses carnets bourrés de milliers de contes et légendes. À force d'y consacrer tout son temps libre, Arthur avait eu des tonnes d'idées. J'adore son podcast. Ses légendes et ses anecdotes égayent mon jardinage. C'est même un sujet de discussion avec mes copains du loto. Moi, je préfère ses vidéos. Elles sont super populaires. Il a quoi, 100 000 abonnés? Au moins, ouais. Je suis trop contente pour lui. Je vous fiche mon billet que c'est le loup Pio dont on parlait. Arthur, mais qu'est-ce qui t'amène de si bon matin? Bonjour, madame. Iliès et Lana, ils sont réveillés? Évidemment. On allait venir te voir au musée. J'ai pris ma journée. Ah bon? Mais pourquoi? On voulait que tu nous fasses la visite. J'ai bien mieux que ça à vous proposer. J'aime pas trop cet air-là. Et pourquoi t'as ce sac de rando? On part en expédition. Oh. Super, mais où? Ce matin, en relisant le carnet 42 de Papistoire, j'ai découvert un truc incroyable, une énigme. Arthur se tortille aussitôt pour ôter son sac à dos, ouvre la poche avant, en sort une pochette contenant un épais carnet en cuir. Après quelques pages tournées, son index se pose sur une carte détaillée du village et de ses environs. Je vois rien d'anormal. Beaucoup d'annotations finissent et commencent par des symboles. Et si on les relie entre elles? Elles forment une énigme. L'arbre perdu est la première étape vers la clé. Son fruit est idéal en quartier, compote ou tarte, pour peu que vous enleviez le trognon. Le fruit, ça doit être une pomme. Alors l'arbre doit être un pommier. On a vu plus dur comme énigme. Un pommier perdu, on dirait le début d'une légende. Sauf que j'en connais aucune qui en parle. Alors on n'est pas rendu. Il y a des kilomètres de forêt par ici. La carte est bien trop détaillée, comme si Papistoire avait dessiné chaque arbre. Et l'une des feuilles de celui-ci ressemble à... une pomme! Et comment voulez-vous qu'on le retrouve? En comptant les arbres! Mais il y en a des centaines! Ça vaut le coup d'essayer! Je vais vous préparer un casse-croûte. Boussole et carte en main, les enfants s'engouffrent dans la forêt au bout du jardin. Ils comptent les arbres et après le 83e, perdu au milieu des chênes centenaires, un pommier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas, il n'y a rien d'écrit de plus. Je suis sûre qu'il y a un indice dans le coin. Malgré leur application, ils font chou blanc. Arthur donne un coup de pied chargé de déception au pommier qui lâche une pluie de pommes. Mais pourquoi t'as fait ça? Hé, regardez, là-haut, cette pomme, elle a une drôle de couleur, non? Changer de sujet et parler d'une pomme marron pourrie, Si elle est pourrie, pourquoi elle n'est pas tombée? Je vais voir. Lana grimpe comme un chat jusqu'à la branche où pendouille l'étrange pomme. Elle est attachée par une cordelette. Avec la plus grande prudence, Lana s'allonge sur la branche, y enroule ses jambes et avance doucement, très doucement. À deux doigts de la pomme, la branche se courbe, émet des cric, cric, cric, avant un crac. Ah ! Iliès se transforme malgré lui en matelas de réception. Je savais... Ah, c'était pas une bonne idée de venir. Désolé. Au moins, on a récupéré la pomme. Elle est en bois laqué, comme les faux fruits de chez mamie. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Pour peu que vous enleviez le trognon. Mais oui! Vas-y, essaye! Ah non, ça bouge pas! Pas la peine de forcer, essaye plutôt de le dévisser. Ah, ça marche! À la place des pépins, les enfants trouvent un minuscule parchemin enroulé, écrit en authentique pâte de mouche de papistoire. Les cochons forestiers de l'ancien domaine des nénuphars vous guideront vers votre prochaine destination. C'est trop facile, c'est les temps derrière chez mamie. Mais oui, il y a super longtemps, il était couvert de nénuphars. Et les cochons forestiers, ce sont des sangliers. Sans doute, ils adorent s'y abreuver. Et comment ils vont nous indiquer le chemin? En les suivant? Parce qu'on est des ninjas de la forêt peut-être? Mais ils vont nous charger au moindre bruit. Il suffit d'être prudent. 20 minutes plus tard, les enfants arrivent à l'étang. En voyant un énorme sanglier s'y abreuver, ils se cachent à bonne distance derrière un gros buisson. Ça peut pas être une coïncidence! Je suis sûr qu'il nous attend! Comme si Papistoire l'avait envoyé pour nous aider. Arthur, reviens ici! Arthur s'approche du sanglier. Le sanglier relève la tête et fixe le garçon. Arthur se fige. Le sanglier souffle bruyamment, gratte la terre et charge. Arthur détale droit vers ses amis. Le rocher plongeoir, c'est notre seule chance! En un éclair, les enfants gravissent le rocher, percutés quelques secondes plus tard par le sanglier. La bête lâche un grognement et s'éloigne en titubant. Pas très malin de sauter sur le premier cochon venu. Mais Papistoire a dit qu'un cochon forestier nous guiderait. Des cochons, pas un! Il y a comme un truc là. Une forme curieuse sous une épaisse couche de mousse. En grattant, les enfants découvrent une gravure grossière représentant... un sanglier! Et vous allez vouloir le suivre? Son groin pointe en direction du champ. Il file vers un nouveau sanglier gravé sur le toit d'un vieil abribus en pierre qui les conduit à un autre, perdu au beau milieu d'une prairie, qui les entraîne jusqu'à un banc, qui les conduit jusqu'à un bosquet, loin de tout, devant l'entrée d'un terrier gigantesque marqué d'un autre sanglier pointant l'intérieur. Moi, je rentre pas là-dedans. Hein. Tu crois qu'on va rencontrer une sorte de gardien protecteur? Il n'y a aucune trace. Elle est sûrement abandonnée. Pas d'histoire nous amènerait jamais dans un endroit dangereux. Oh, mais dans quoi on s'est embarqué? Arthur sort de son sac des lampes frontales et les enfants s'enfoncent dans l'immense terrier. Sans mal, ils trouvent d'autres sangliers indicateurs. À mesure que les tunnels et les bifurcations s'enchaînent, l'air devient si lourd qu'Iliès angoisse. Comment on va faire pour retourner à la surface? Il suffira de suivre les directions pointées par les fesses des sangliers. Ah. L'atmosphère devient plus légère, jusqu'à ce que le dernier sanglier ne les envoie droit dans une impasse. Iliès s'écroule de dépit. Arthur et Lana se mettent à chercher un indice. En se relevant, Iliès sent un filet d'air sur sa joue. Venez m'aider! Derrière le mur de terre, un autre mur en pierre dont l'une d'elles est fendue. En la délogeant, un clapotis d'eau lointain les gonfle d'une énergie nouvelle. Leurs efforts mettent à jour un couloir étroit et très pentu, menant jusqu'à une barque amarrée au bord d'une rivière souterraine. C'est sûr, on va trouver un trésor! Peut-être la clé dont parlait Papistoire! Ou des problèmes. Après un temps infini, la barque se plante dans un sol boueux. Devant eux, éclairée à la seule lueur de leur lampe frontale, une arche gigantesque se dessine. Waouh! Vous vous rendez compte? Il vaudrait mieux rentrer. Je vous le répète, Papistoire nous amènerait jamais dans un endroit dangereux. J'espère que t'as raison. À peine ont-ils passé l'arche qu'une lourde grille tombe. Une volée de torches s'allume. Tout va bien se passer, hein? Le couloir fait au moins 50 mètres de long. Au bout, une porte étrangement normale. Au centre, un piédestal sur lequel se trouve un médaillon. Au sol, des pavés, dont certains gravés de sangliers. J'espère que vous êtes des champions de Marelle, les gars. Lana se lance la première, suivie d'un Arthur enthousiaste et d'un Iliès hésitant. Chacun à leur manière, les enfants arrivent sans encombre jusqu'au médaillon. Un cercle troué comme un donut et gravé de motifs géométriques tordus. Après un examen minutieux, Arthur sort le casse-croûte préparé par mamie. C'est vraiment le moment de manger. Maintenant, ce médaillon doit faire dans les... Allez, 200 grammes. Ça devrait être suffisant pour faire l'essence. T'es sérieux? Mais c'est un grand classique d'aventure, ça! Quand on prend un truc sur un piédestal, dans une ruine antique, eh ben, il faut le remplacer par quelque chose du même poids. Sinon, pouf, un piège se déclenche et paf, tu meurs. Notre vie tient donc à un sandwich. Bon, à trois, tu retires le médaillon et je le remplace par le casse-croûte. D'accord. Un, deux, trois! L'échange fait, les enfants se crispent, attentifs au moindre bruit. Rien. Oh, on est trop des champions! J'aurais jamais cru que ça marcherait. Il n'y a plus qu'à sortir! Les enfants sautent de pavé en pavé en direction de la porte au fond de la salle. Grisée par leur succès, Lana saute bien trop loin, droit sur un pavé, sans sanglier. À l'autre bout de la salle, une pierre gigantesque dégringole du plafond. Poussés par la peur, les enfants ne font qu'une bouchée des quelques mètres qui les séparent de la porte. Ils s'y engouffrent, juste avant que la boule ne s'y écrase avec fracas. J'espère que vous avez encore des forces. Oh, purée pomme de terre. Seule issue à cette pièce minuscule, une échelle interminable. Une ascension sans fin commence. Ils finissent par déboucher à l'air libre alors que le soleil se couche. On est dans le jardin de Papy Histoire ? Hein ? Mais pourquoi ? Regardez cette statue ! C'est la reine des fables ! Là, sur son cou, je pense qu'on peut insérer le médaillon. Au cœur de la statue, une petite porte s'entr'ouvre. Derrière cette porte, une pierre ciselée d'un millier de motifs. Incroyable. Tu sais ce que c'est? Je pense que c'est la pierre du pont coupé. Celui qui se trouve au bout du chemin plein de mûriers et de noisetiers? Oui, c'est ma légende préférée. On dit que si personne n'a jamais trouvé la moindre trace de l'autre moitié, c'est parce qu'elle n'a jamais disparu. Elle est de l'autre côté. Dans le monde des fables, un univers magique où vivent toutes les créatures des contes et légendes. Il y a fort longtemps, ce pont reliait les deux mondes. Tout se passait super bien jusqu'au jour où la reine des fables décida de fermer le passage. Des idées noires semaient le chaos dans son monde et elle ne voulait pas qu'elles envahissent le nôtre. Alors, elle enleva la pierre clé qui se tenait au centre du pont et zoup, le passage fut fermé pour toujours et à jamais. Faudrait peut-être laisser la pierre clé à sa place, non? La reine a fermé le passage pour nous protéger. Ou la prendre et aller au pont pour vérifier si la légende est vraie. Oui, ce sera une bonne manière de finir notre aventure. Au bout du fameux chemin bordé de mûriers et de noisetiers, les trois amis grimpent sur le non moins fameux pont coupé. Au bout, ils découvrent un renfoncement. La pierre peut filoler pile poil. On essaye ? Oh, ce serait géant d'ouvrir un portail vers un monde de légendes. Ouais, rempli d'idées noires qui vont envahir notre monde. Mais réfléchis, patate. Dans les contes, le bien triomphe toujours. Alors aucun risque que la reine ait perdu. Ah ouais ? Et alors pourquoi la reine n'a pas ouvert le passage ? Les copains ? Parce que la clé est dans nos mains. Dis pas de bêtises. Les copains ? Poule mouillée. Ça t'arrive de réfléchir ? Ah ouais, plus que toi, ouais. Arthur s'interpose pour mettre fin à la dispute. Mais un coup de coude malheureux d'Iliès lui fait lâcher la pierre qui se brise en trois morceaux. Je suis sûre que tu l'as fait exprès. Quoi ? Mais n'importe quoi ! Arthur, je suis désolé. C'est mieux, en fait. Les légendes perdent leur magie si on sait ce qui se casse derrière. Papy Histoire disait toujours ça. On fait quoi, des morceaux ? Ben, il y en a trois. On en garde un chacun. Comme ça, on sera les gardiens du pont coupé. Et si Arthur disait vrai ? Quelle pourrait être la suite de leur aventure ? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode.